votre compte. La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille, l'émission dédiée aux sonorités musique inclassable. Je vous propose ce soir une émission consacrée à des démarches sonores inspirées, façonnées par l'utilisation du field recording, une pratique qui consiste dans sa plus simple expression à capturer, enregistrer du son sur le terrain avec un enregistreur portable. Alors, le field recording, ça donne toutes sortes d'expériences d'écoute, celle d'un pont routier, par exemple, en banlieue de Saskatoon, un projet sonore mené par la britannique Kate Carr. On écoute ça pour se faire un peu les oreilles. On entend ces micro-contacts sur une tubule de pont. C'est une expérience de field recording. Alors, la capture du son, le field recording a constitué, je dirais, un rêve pour les générations passées, comme nous le montre Alexandre Galland dans son beau livre sur le field recording. En 1552, François Rabelais, dans Pantagruel, décrit le gel de paroles et de sons d'un champ de bataille qui sont entendus lors du dégel au printemps suivant. L'écrivain Charles Sorel, en 1632, décrit la capture du son dans des éponges, comme on le fait pour emprisonner de l'eau. Alors, les éponges de Sorel, l'écrivain emprisonne le son. Alors, dit simplement, le field recording est l'action d'enregistrer du son sur le terrain. Ça peut sembler bizarre, mais ça veut dire que le field recording, c'est un processus de capture qui se fait en dehors des limites contrôlées d'un studio d'enregistrement. La nuance est importante parce que le field recording apparaît, devient possible et devient populaire avec l'invention du magnétophone portable. L'émergence et la popularité de la pratique s'apparente à celle de la photographie. Dit simplement, quand les appareils photo sont devenus abordables en prix et en format, eh bien, la population en général a pu en faire usage. Alors, c'est donc dire que la prise de vue photographique se prolonge dans la prise de son, découpe sonore d'un lieu, manière de proposer différentes manières d'écouter et d'appréhender le monde qui nous entoure. On va donc retrouver sous cet intitulé de field recording une multitude de pratiques, de processus, d'instrumentation technique, des approches théoriques et des résultats d'une grande diversité. Au début de cette pratique, c'est de la captation d'environnements naturels, sons de la forêt, travaux d'archivage documentaire, faire, puis enregistrements ethno-musicaux, puis inventaire des milieux urbains, industriels et ruraux. Vous voyez un peu, on se dirige vers l'invention de paysages sonores sous l'instigation de Marie Schaffer, entre autres, des philosophies de l'écoute, des œuvres d'expérimentation intimiste, et j'en passe. Alors, vous me voyez venir, la capture de sons provenant de toute source va devenir un paramètre important dans le processus de création de nombreux artistes sonores. Alors, ça met la table pour l'écoute ce soir de quelques œuvres inspirées du field recording. Alors, l'enregistrement sur le terrain connaît aujourd'hui une grande popularité, une popularité qui est croissante auprès des publics qui cherchent des expériences d'écoute nouvelles et des artistes en quête de sources sonores nouvelles. Alors, les technologies numériques ont rendu évidemment le processus d'enregistrement plus accessible et les résultats évidemment manipulables à l'infini. Alors, il faut tout de même garder à l'esprit que le field recording demeure une représentation sonore du monde, un cliché audio pour reprendre le vocabulaire de la photographie, mais un cliché qui implique de nombreuses considérations philosophiques, esthétiques, politiques, sociales et évidemment par les temps qui courent des préoccupations écologiques. Alors, en dépit de son apparente objectivité, le field recording demeure un élément clé, voire central de nombreuses expérimentations sonores. Des artistes comme québécoises comme Chantal Dumas et Magali Babin ont mené des projets de field recording qui illustrent assez bien finalement des préoccupations scientifiques, sociopolitiques ou géographiques à l'image de ce travail titanesque réalisé par Christian Calon il y a quelques années sur les grands bassins versants du territoire canadien. Alors, on écoute de Christian Calon, Arctic, c'est tiré de Continental Divide. Alors, on vient d'entendre un extrait du projet de Christian Calon sur les grands bassins versants du territoire canadien. C'est une trame sonore qui accompagnait une trame filmique. On vient d'entendre un extrait de la partition L'Arctique. Alors, je l'ai brièvement évoqué. On retrouve dans l'univers de la création sonore les mêmes réflexions que l'on retrouve dans l'univers de la photographie à propos notamment de la valeur documentaire ou soi-disant objectif de l'enregistrement terrain. Alors, l'idée de présenter une réalité sonore objective a été vraiment déconstruite au cours des dernières années. Les techniques d'enregistrement, le positionnement des microphones dans l'espace, comme la qualité du rendu, le choix du début, aussi simplement le choix du début de l'enregistrement, sont autant de choix qui font glisser la pratique du field recording, du côté de la subjectivité, de l'imaginaire. On le voit bien avec le travail de Christian Calon. De ce point de vue, retient le propos de l'artiste Yannick Dauby. C'est un Français, un artiste sonore français basé à Taïwan, dont la production fusionne l'enregistrement sur le terrain avec des improvisations sur synthétiseur. Alors, j'ouvre les guillemets, il dit « Tous les sons sur lesquels je travaille ont été captés, filtrés par la technologie audio. Par conséquent, je ne pense pas avoir affaire à des sons purs. Selon les projets que je mène, je navigue toujours entre deux pôles, la documentation versus l'abstraction sonore. Les décisions du genre quel microphone, quand et où enregistrer sont des choix qui modifient le signal sonore original. C'est clair, de conclure Dauby, tout révèle une perspective, une subjectivité. » Alors, on est vraiment dans la mouvance de la création. On pourrait aussi résumer ça en rappelant que le field recording a pour aboutissement ultime de nous proposer une fiction sonore, comme nous le propose le beau travail de Michel-Félix Lemieux. Alors, on vient d'entendre un extrait du projet de Michel-Félix Lemieux. Ça s'appelle À midi, captation sonore en milieu urbain, je pense dans Saint-Roch, ici à Québec, accompagné de son harmonica. Alors, la capture de son en direct sur le terrain, on voit pour effet immédiat de mettre l'artiste au centre de l'expérience sonore. Alors, dans le cas du travail de Michel-Félix Lemieux, on s'en rencontre. Le très célèbre Chris Watson, un artiste réputé du field recording, a mis en perspective le contenu autobiographique du processus de capture du son. Et là, j'ouvre les guillemets, il dit « J'essaie de produire quelque chose sur le plan sonore dont je puisse me souvenir, presque comme un effet de mémoire. » Raconte Watson. C'est mon souvenir et les sentiments concernant le sens et l'esprit de cet endroit que j'essaie de reconstruire dans mes créations sonores. C'est une méthode de composition très traditionnelle au bout du compte. Sibelius s'inspirait des forêts finlandaises, Messiaen du chant des oiseaux. C'est donc un chemin emprunté et c'est quelque chose que je trouve inspirant. Voilà ce qui est formidable avec le son. Chris Watson, c'est ce sens du souvenir et j'ajouterais en ce qui me concerne ce grand pouvoir d'évocation de la matière sonore. Thank you. Allez, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 gras. Ça, ça, le père de pêcher, 2 000, hein? 5 000 gras, 5 000 gras, 5 000 gras. Alors, on vient d'entendre un extrait d'une captation d'Alissa Moxley, une pièce qui s'intitule « Roma Market in Tirana », donc le marché Roma de Tirana. Alors, ce soir, on explore une brève incursion dans le monde du field recording. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1, c'est la croche-oreille. Je vous reviens dans quelques instants après un bref battement promo. La croche-oreille. Ils vont arriver à la télé. Oh ben, je veux voir plus bien. Thank you. Alors, ce que vous entendez, c'est tiré d'une plateforme qui s'intéresse, un label qui s'intéresse tout particulièrement au field recording. Ça s'intitule Media Petros. Plusieurs albums sont tirés qui s'intitulent Phonotopographical Studies. Et on entend à l'instant la pièce qui s'intitule Mido plus Transmission. Alors, c'est assez intéressant comme travail de recherche. Toujours dans cette idée que nous amenait Chris Watson à propos du field recording, l'expérience qui est un peu autobiographique pour le capteur de son, il y a aussi cet accent qui est mis sur l'écoute sonore en tant que telle, donc le créateur qui est à l'écoute en amont de la captation. David Toup, un grand maître à penser des arts sonores et de l'enregistrement terrain, qui s'est grandement intéressé aux sonorités ethno-musicales, a fort bien souligné combien le field recording est une conséquence naturelle de l'acte d'écouter ou d'être conscient d'écouter. Et cette écoute, elle a porté au début sur la nature et le monde animal pour ensuite s'intéresser aux traditions orales et musicales lointaines, dites folkloriques, chœurs religieux, instruments rares. Tout ça va constituer une tradition encore très vivace aujourd'hui. Si on pense aux travaux de Félix-Antoine Morin, le Québécois, ou Francisco Lopez. Cela dit, la pratique contemporaine du field recording couvre désormais un large spectre de préoccupations sonores qui se retrouvent aujourd'hui à la croisée de la musique expérimentale, des arts sonores et du documentaire radiophonique en tant que tel. Alors, il inspire de nombreuses démarches artistiques actuelles, et je pense entre autres aux travaux de Caroline Gagné, de Gabriel Ledoux, Muriel Lehmann, Félix-Antoine Morin, dont je parlais tout à l'heure, Béchard Hudon. Et j'en oublie évidemment de très nombreux, de très nombreuses. genre en janvier, j'étais comme, genre, je pense que là, la voile, genre, je vais prendre une pause, là, j'ai besoin d'être sur la terre. Ça faisait, cette année, j'ai été 10 mois en mer, ça, sur 12, genre. Puis tu sais, déjà après 6 mois, t'es comme, pfff, là, t'as besoin d'un peu de plus de terre, là. Ouais, ça fait longtemps que je voulais faire du voilier. Ouais. Ben avec mon frère, on a fait de la voile quand on avait 10 ans sur la rivière Saint-François. Puis ma mère, elle nous avait payé un cours de voile, genre d'une semaine ou trois semaines, je sais plus. Puis on avait fait comme des rivières, là, genre 10 ou 15, 16 pieds, genre des petits voiliers de rivière. On n'avait pas, tu sais, on n'était pas connecté à l'Internet, genre, on n'était pas. Tout le monde s'en foutait de l'Internet, là, dans notre bateau, genre, on était juste comme. On était un bateau, puis il y avait quatre personnes qui ont commencé à traverser le Pacifique, en pouce. Puis, genre, on n'était jamais été. On faisait J'ai rencontré deux Québécoises en c'était les gens qui étaient comme. Genre, on travaillait ensemble, tout, deux fois. C'est comme les gens qui étaient en full, genre. J'étais les triplettes, là, puis genre, t'es comme qui on est allé sur tout mon plan de voyage, on part ensemble. On a fait, puis on est allé en Amérique centrale, puis on a rencontré comme eux, tous les gens qui sont intéressés. C'était comme intense, là. On s'est retrouvés genre de 10 là, personnes. Comme, ça marchait, genre, tu sais, nous, on s'attendait pas à ça, là, mais il y avait genre 20 personnes qui étaient là-bas pour un bateau, genre. On avait un voilier, son voilier à lui. Non, c'est genre 6 dans une partie, dans une pièce à moitié grand comme ça. Après 6 ou 8 des fois. Après comme 8 c'était de la place juste pour dormir, puis même des fois il y a des bateaux qui étaient puis qu'on a comme fait des festivals, il y a des gens qui étaient fait des festivals. Le premier voilier avait 6, puis il y a un monsieur de 55 ans qui nous a aidé genre à réparer des voiliers, puis il était comme 2 ans genre vous avez changé ma vie, genre vous êtes trop nice, genre je pars avec vous. Puis le mec genre tu sais c'était quelqu'un. Le jour où tu décides que tu voyages pas, c'est que t'arrêtes plus pour travailler. C'est comme tu vis dans ta chambre avec 6 personnes sans tu sors jamais de là, tu sais. C'est comme tu te retrouves, tu vas même pas dans la rue, tu vas même tu vas juste sous toi. Que les gens, tu vois les gens vraiment changer la forme. C'était comme c'était plus juste des gens, ça rendait juste checker pour des bateaux, genre. Fait que t'as comme 2 heures par nuit. Alors, on vient d'entendre tout juste un très beau projet de Gabriel Ledoux. Ça s'intitule « Un 18 février en exil ». Alors, de ces extensions de la captation sur le terrain, captation des voix mixées avec des univers sonores, précédait un travail de Magali Babin. C'est sans titre, c'est paru dans l'album « 40 000 ans », un album produit par Avatar qui soulignait, je pense, le 30e anniversaire de l'organisation, peut-être le 25e. Bref, vous pouvez retrouver cette pièce de Magali sur le site d'Avatar. Alors, voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir autour d'une modeste incursion dans l'univers artistique du field recording. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site web de la croche-oreille pour retrouver le titre des pièces entendues au cours de l'émission, ainsi que le balado de l'émission et des émissions antérieures. Alors, restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy dans quelques minutes. Pour terminer cette soirée, je vous propose une œuvre de Natasha Barrett, ça s'intitule « Viva la selva, vive la forêt » pour terminer l'émission. Alors, ici Gaëtan Gosselin, je vous dis à la semaine prochaine. Thank you. Cette émission est disponible en balado-diffusion.